Vois comme ce siècle serait bon si la vie était bien bâtie, si elle laissait tomber les cons, ne prenant soin que des gentils. Je sais, tu me l'as dit déjà, sur la terre comme dans les cieux, ça n'est pas comme ça qu'elle va, la petite moulinette, oh bon Dieu. Chaque jour a son lot de peine, ses petits paquets ficelés de haine. Si on laissait ça de côté, et qu'en touche on pouvait botter. Je sais, tu me l'as dit déjà, sur la terre comme dans les cieux, ça n'est pas comme ça qu'elle va, la petite moulinette, oh bon Dieu. Les ennuis, les crasses, les problèmes me reviennent toujours les mêmes. On me dit que ça vient de moi, mais je n'aime guère ce discours-là. Je sais, tu me l'as dit déjà, sur la terre comme dans les cieux, ça n'est pas comme ça qu'elle va, la petite moulinette, oh bon Dieu. En se penchant sur nos berceaux, la fée qui jardine en nos cœurs, elle s'est emmêlée les pinceaux, en semant le doute et la peur. Je sais, tu me l'as dit déjà, sur la terre comme dans les cieux, ça n'est pas comme ça qu'elle va, la petite moulinette, oh bon Dieu. De tout ce fatras, ce chaos, il y a bien un responsable. J'aimerais voir le patron là-haut et frapper un coup sur la table. Je sais, tu me l'as dit déjà, sur la terre comme dans les cieux, ça n'est pas comme ça qu'elle va, la petite moulinette, oh bon Dieu. De ceux qui sont chers à nos cœurs, certains nous ont déjà quittés. Mais qu'attend donc le Créateur pour décréter l'éternité? Je sais, tu me l'as dit déjà, sur la terre comme dans les cieux, ça n'est pas comme ça qu'elle va, la petite moulinette, oh bon Dieu. Je sais, tu me l'as dit déjà, sur la terre comme dans les cieux, ça n'est pas comme ça qu'elle va, la petite moulinette, oh bon Dieu.